listening to Overdrive on Radio Dio. Yes. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. On a débuté là justement où tout a commencé avec ce Bluff Sabbath éponyme sur le live Reunion. Tout ça pour annoncer quelque chose qui a fait beaucoup, un événement qui a fait beaucoup parler de lui ce milieu de semaine. Il s'agit de l'annonce d'Ozzy Osbourne d'un ultime concert, qui aura lieu du côté de Birmingham, dans le stade Villa Park, avec des billets qui seront en vente le 14 février. Prochain. Donc si vous manquez un cadeau pour la Saint-Valentin, vous pouvez offrir ça à votre amoureux ou votre amoureuse. On aura là bien entendu un show de Black Sabbath avec le line-up d'origine, donc qui n'avait pas joué ensemble depuis plus de 20 ans. Geezer Butler, Tony Iommi, Ozzy Osbourne, Bill Ward. Ozzy a annoncé qu'il ferait également peut-être quelques morceaux solo et il y aura énormément d'invités, donc on le sait tous, mais Ozzy est maintenant dans un état physique assez difficile. Il lui est maintenant quasi impossible de faire un concert entier, donc on se demande comment la soirée va se dérouler. En tout cas, les invités sont nombreux. Outre donc Black Sabbath, Ozzy, on aura Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Alice Storm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax, Mastodon, Billy Corgan, Duff McGagan des Guns N' Roses, Jake Lee également. On m'a invité KK Downing, de Judas Priest, ex-Judas Priest, Tom Morello, Wolfgang Van Halen, Sammy Hagar, Rudy Sarzu, Slash, bref, vraiment une excellente soirée. Alors on n'en sait pas plus, mais en tout cas une chose est sûre, les tickets devraient partir comme des petits pains. Donc la semaine dernière dans Overdrive, justement, on n'avait pas d'émission en direct, mais j'avais une bonne excuse puisque je suis allé voir The Night Flight Orchestra qui sortait ce soir-là son nouvel album Give Us The Moon. Donc on le sait tous, depuis 2022, ils sont orphelins de David Anderson, leur guitariste, mais qui a été très bien remplacé ici. Le groupe n'a pas vraiment changé sa musique, c'est toujours aussi catchy, c'est toujours aussi festif, avec des mélodies super bien ficelées. Un groupe vraiment au taquet sur scène, une super ambiance. Bref, que demander de plus? C'est parti pour Give Us The Moon avec Like The Beating Of The Heart, qui restera la dernière composition de David Anderson par Night Flight Orchestra. We'll be right back. Yes, vraiment excellent que ce Night Flight Orchestra. Encore une fois, vous êtes toujours à l'écoute d'Overdrive. La voix de John Speedstreet fait ici des merveilles. Encore une fois, dernière composition de ce super guitariste qui nous manquera toujours beaucoup, David Anderson. On continue maintenant avec un autre groupe, les Helicopters. On pourrait dire IMG Rock and Roll ici sur ce dernier album, le bien nommé Overdrive, qui voit le jour sur Nuclear Blast tout de suite. Donc je suis très impatient de voir ce que ces petits Helicopters nous ont ici concocté. Donc il s'agit du deuxième album depuis leur reformation. Le premier était déjà très très bon. Could ever understand what lives inside the still. d'entendre Halloween avec ce Save Us sur le live at Budokan, tout de suite paru sur Raining Fire Music. Et on enchaîne tout de suite avec Labyrinth et son dernier album et le morceau Accept the Changes, qui voit le jour sur Frontiers Records. Just a pile of ashes from those days. venez d'entendre Labyrinth avec ce morceau Accept the Changes paru sur l'album In the Vanishing Echoes of Goodbye sur le 895 de Radio Dieu. Il est maintenant 22h passées de 8 minutes et vous êtes à l'écoute d'Overdrive. Burning Witches, le groupe suisse de heavy metal féminin, heavy metal classique, nous reviendra avec son nouvel album sur le label Nuclear Napalm Records et ce sera Mirror tout de suite dans Overdrive. Très sympa, ces petites Suisses de Burning Witches avec Mirror, Mirror, sorti sur le Napalm Records. Maintenant, on retrouve la guitariste américaine Courtney Cox à l'intérieur. Je m'apprête maintenant à brouiller un petit peu les pistes et à casser un petit peu les codes en changeant dramatiquement de style avec Two Sisters qui nous sort cet album She Likes Monsters sur MNO Music. Ça a vu le jour fin janvier. On est sur du rockabilly maintenant pour un style un peu death rockab, assez dansant, toujours sympa à entendre. They want you honey dead or dead, they want you honey mute and chain. Down under me. Yeah. Yes, vous venez d'entendre dans un style assez alternatif New Wood avec cet album paru sur MNO Music. Ça s'appelle We Venerance. Donc sur cet album, Newt, The Most Dangerous Organization in the World. Vous venez d'entendre le morceau Interesting Things. Tout de suite, on passe au classique parmi les classiques MC5, Motor City 5, qui nous a été sorti cet album Heavy Fire, donc à titre posthume, puisque Wayne Kramer est mort il y a de ça quelques temps. Et ce sera le morceau The Edge of the Switchblade qu'on va écouter tout de suite, sur lequel on retrouve William Duval, chanteur de Alice in Chains, ainsi que Slash en invité. Cutting edge on the switchblade. Yes, un superbe morceau de MC5, Edge of a Switchblade, sorti sur cet album Heavy Fire. Voilà, on passe maintenant au dernier album de Ultra Vomit. Ça s'appelle La puissance de du pouvoir, ou Le pouvoir de la puissance. Un titre un petit peu lourdeau, comme ils savent bien le faire. Je vous laisse avec l'introduction. Zombie club from outer space. là, Ultra Vomit, Ultra Putain de Vomit, plus ensuite Robo Zombie Cop pour débuter ce Puissance du Pouvoir d'album. On enchaîne encore avec les Français, Sidi Larsen, que la lumière soit, et ça voit le jour encore une fois sur Very Chords. Tout de suite, Overdrive, Radio Dio, Sidi Larsen, que la lumière soit. Si la terre est plate, terre est plate, tu passes au travers, tu peux voir Lucifer. Voir Lucifer. Voir Lucifer. Et même toucher l'enfer. Croiser que les mots pas le faire. Croiser que les mots. venez d'entendre Mantar avec son album Post-Apocalyptic Depression et le morceau Alskerich. Et on continue tout de suite avec Death Structure. Structure tout de suite avec ce morceau What We Become et on continue tout de suite avec une de mes sorties préférées de ce début d'année 2025. Il s'agira de Halo Effect avec ce March of the Unheard tout de suite et le morceau What We Become qu'on envoie tout de suite. We'll be right back. Voilà pour le groupe Halo Effect. Et maintenant, on va quasiment terminer l'émission avec Amidst the Ruins, ce morceau de ça en sortie sur Seasons of Mist. Ce sera Echoes of the Ancient Land. Peut-être un dernier morceau, mais alors un très bon et un très long morceau. On rappelle le www.radiodio.org. On rappelle également le www.radiodio.org, le facebook.com/overdrive radiodio pour retrouver toutes les nouvelles des émissions. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye.